Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée sur l'éveil de la Kundalini. Préparation. Trouvez un lieu calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur le sol, avec un coussin. Assurez-vous que votre dos reste droit mais pas rigide. Fermez doucement les yeux et prenez quelques instants pour vous détendre. Respiration consciente. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Respirez profondément, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Sentez l'air frais entrer, remplissant vos poumons, et l'air chaud sortir. Relâchement des tensions. À chaque expiration, imaginez que vous libérez toutes les tensions de votre corps. Commencez par le sommet de votre tête, puis relâchez progressivement chaque partie de votre corps jusqu'à vos pieds. Phase d'activation de la Kundalini. Activation de Mooladhara, chakra racine. Imaginez une lumière rouge brillante à la base de votre colonne vertébrale. C'est votre chakra racine, Mooladhara. Visualisez cette lumière rouge qui s'intensifie à chaque respiration. Répétez mentalement, je suis en sécurité. Je suis équilibré. Je suis enraciné. Montée de l'énergie. Visualisez maintenant cette lumière rouge qui commence à monter le long de votre colonne vertébrale. À chaque inspiration, cette lumière monte un peu plus, activant chaque chakra sur son passage. Activation de Svadhisthana, chakra sacré. Imaginez une lumière orange juste en dessous de votre nombril. Visualisez cette lumière orange qui s'intensifie, apportant créativité et purification. Répétez mentalement, je suis connecté à mes émotions. Je suis créatif. Montez vers Manipura, chakra du plexus solaire. La lumière orange monte maintenant vers le centre de votre abdomen. Visualisez une lumière jaune, comme un soleil intérieur, qui brille dans votre plexus solaire. Répétez mentalement, je suis fort. Je suis en contrôle de ma vie. Activation d'Anahata, chakra du cœur. La lumière jaune continue de monter vers votre poitrine. Imaginez une lumière verte, brillante et apaisante, enveloppant votre cœur. Répétez mentalement, je suis amour. Je suis compassion. Montez vers Vishuddha, chakra de la gorge. La lumière verte monte vers votre gorge. Visualisez une lumière bleue claire, claire et pure, qui active votre chakra de la gorge. Répétez mentalement, je communique ma vérité. Je suis entendu. Activation d'Asnya, chakra du troisième œil. La lumière bleue monte jusqu'au point entre vos sourcils. Imaginez une lumière indigo, profonde et mystérieuse, qui éclaire votre intuition. Répétez mentalement, je vois clairement. Je pense clairement. Montez vers Sahasrara, chakra de la couronne. La lumière indigo monte jusqu'au sommet de votre crâne. Visualisez une lumière violette ou blanche qui enveloppe le haut de votre tête. Répétez mentalement, je suis connecté à l'univers. Je suis divin. Phase de stabilisation et harmonisation. Harmonisation des chakras. Imaginez maintenant que l'énergie de la Kundalini harmonise tous les chakras, les alignant parfaitement le long de votre colonne vertébrale. Visualisez une lumière dorée qui descend du sommet de votre tête, passant par chaque chakra et les enveloppant d'une lumière pure et harmonieuse. À chaque chakra, la lumière dorée les purifie et les équilibre, renforçant le flux d'énergie. Respiration et équilibre. Respirez profondément et imaginez que chaque respiration diffuse l'énergie dorée dans tout votre corps. À chaque expiration, sentez que cette énergie répand paix, stabilité et harmonie dans chaque cellule. Ancrage. Visualisez que l'énergie de la Kundalini, maintenant équilibrée et harmonisée, s'ancre dans le chakra racine à la base de votre colonne vertébrale. Imaginez des racines qui partent de votre base et s'enfoncent profondément dans la terre, vous connectant et vous stabilisant. Expansion de l'énergie. Pensez à cette énergie stabilisée qui se répand maintenant au-delà de votre corps physique. Imaginez une aura lumineuse qui vous entoure, une bulle de lumière et d'énergie protectrice. Phase d'intégration et de clôture. Intégration de l'énergie. Prenez un moment pour sentir l'intégration de cette énergie équilibrée dans tout votre être. Sentez comment cette énergie purifie vos pensées, émotions, et renforce votre esprit. Gratitude. Exprimez intérieurement de la gratitude pour cette expérience de méditation et pour l'énergie de la Kundalini qui vous a guidé. Remerciez chaque chakra pour son rôle dans ce processus d'éveil et d'harmonisation. Retour à la conscience normale. Commencez à ramener votre conscience à votre corps physique. Remarquez les sensations de votre corps contre le sol ou la chaise, la température de l'air, et les sons autour de vous. Mouvement doux. Commencez à bouger doucement vos doigts et vos orteils, réveillant votre corps de manière douce et respectueuse. Étirez lentement d'autres parties de votre corps si vous en ressentez le besoin. Ouverture des yeux. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Prenez un moment pour vous asseoir tranquillement, absorbant les derniers moments de cette méditation. Fermeture. Placez vos mains en Anjali Mudra, paumes jointes, devant votre cœur. Penchez légèrement la tête. Honorant la divinité en vous et le voyage que vous venez de faire. Chuchotez ou pensez Namasté, reconnaissant l'esprit en vous et les énergies universelles qui vous guident. Votre méditation guidée sur la Kundalini est maintenant complète. Prenez quelques instants pour noter toute expérience ou révélation si vous le souhaitez. Continuez votre journée ou votre soirée avec un sentiment de paix intérieure et d'équilibre, portant cette énergie transformée avec vous.